Ah, mes amis, quel beau week-end je viens de passer. J'étais invité au casino, la classe. Eh ben, je peux vous dire, je me suis marré comme un puceau perdu dans un bordel sans porte de sortie. Oh là là là, je suis arrivé, bien sûr, dans ma tenue de gala. Le traditionnel, short en cuir, mes barésilles en aluminium, mon Marcel en mouton et mes Santiago en poil de femme. Alors, histoire de bien commencer la soirée, j'ai été faire un tour au bar, normal. Ah, j'ai pas eu le temps de commander. Le barman me hurle dessus en me disant que les figurants pour le spectacle de cow-boy transsexuel n'avaient pas le droit de venir au bar. Dans un premier temps, je me retourne. Je ne pouvais pas croire que cet Olibrius s'adressait à moi. Eh bien si, personne derrière moi, et en plus, il a insisté l'inconscient. « Il est bouché, le Michou du Far West !» rajoute le mécréant. Du coup, j'ai entamé la danse du mec qui meurt. Une danse qui consiste à prendre un objet lourd et à le mettre en contact avec le crâne d'un individu jusqu'à ce que ce dernier ferme les yeux pour une période qui va de 15 minutes à 15 ans. Une fois débarrassé du barman indélicat, j'ai été me servir tout seul derrière le zag. À 2 heures plus tard, je rampe pour sortir. Moi, le schnapps, ça me fait toujours ça après 30 litres. Faut que je rampe. Et je finis par m'écrouler sur un tabouret. Tabouret qui s'est avéré être celui où se placent ceux qui veulent tenter leur chance à la roue de la fortune. Là, une voix m'interpelle. « Bonsoir, monsieur. Oh, salut, toi. Je sens que vous avez la main chaude. Bah, »« Et pas que la main, ma pouliche. Un tour de roue pour bien commencer la soirée ? Un tour d'Helmut pour bien la finir ? Ah, je ne sais pas, ça rapporte quoi ? Des millions d'émotions ? Oui, 2 ou 3 morpions. La roue d'abord. Ok. Et là, je mets 1 euro sur la table, la retourne, et 20 secondes plus tard, s'arrête sur la case. 500 000 ! Je venais de gagner 500 000 euros, comme ça, sans rien branler, comme un animateur de radio. » Du coup, la gonzesse, elle était toute excitée. Et là, elle me dit « Ouais, c'est génial, on va s'éclater ce soir. » Je l'ai basé la morue, elle a passé le reste de la soirée toute seule derrière sa roue à la con. Non, mais elle croyait quand même pas qu'avec 500 000 euros, j'allais me taper une nana moyenne, non ? J'ai donc fini la soirée dans un bordel avec l'ensemble du cheptel de pute pour moi tout seul. Ah les gars, décidément, je crois que je suis le meilleur. Allez, au revoir.